très prolixe, mes moindres soupirs se métaphysiques. J'ai dans mon ciel des tonnes de célestes, m'accroche aux ailes et tombe l'ange Gabriel. Obsédé du pire, un peu trop physique, l'envie de frémir est pharaonique. Fille de la 16, ma vie sans ténèbres, moi sans la langue, sans sexe je m'exsangue. L'amour c'est rien. Politiquement correct, on s'aime bien. On sait même pas quand on se blesse. L'amour c'est rien. Quand tout est sexuellement correct, on s'ennuie bien. On crie avant pour que ça s'arrête. La vie n'est rien. Quand elle est tiède, elle se consume et vous bascule. Le sang ensemble de cigarettes. La vie est bien. Du pire et pas très prolixe, mes moindres soupirs se métaphysiques. J'ai dans la tête des tonnes de pirouettes. Le saut de l'ange n'a pour moi rien d'étrange. Obsédé du pire et pas très prolixe, partager mes rires plutôt plutonique. J'ai dans ma sphère le sang ensemble de cigarettes.